Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est le grand début des vacances et comme il ne reste plus que 3 émissions avant les vacances, on va faire un peu 3 émissions un peu particulières. La première, aujourd'hui ça va être un peu mes coups de cœur, mes best-of, ma playlist, tout ce qui va bien. Semaine prochaine on va tenter peut-être de faire du Megamix et la dernière ça sera spécial été. Voilà, on va passer ces 3 prochaines semaines ensemble. Alors là j'ai commencé par un chanteur que j'aime bien, Junior. Ça dit rien à personne, et si je vous dis « Mama used to say », là, ça vous parle un peu plus, hein, ça c'est clair. C'est une belle découverte, j'ai pas trouvé d'autres titres où il aurait percé, enfin vous allez me dire déjà, avec un morceau comme ça, c'est déjà bien. Alors, écoutez bien vos mamans par contre. La suite de notre émission, on va continuer avec une découverte que j'ai fait au tout début de mon animation. C'est un français, Serge Ponsard, et son titre c'est Out in the Night. Je vous dis franchement, j'étais surpris par ce morceau que je prends toujours un plaisir à réécouter. Suivant, si vous n'avez jamais écouté mon émission ou vivez sur une autre planète, vous ne le connaissez pas. Sinon, il est mondialement connu, surtout par le Gax. Quand je dis Gax, ça signifie Oliver Cheatham, qui n'a pas entendu un jour dans sa vie ou sur la piste de danse Get Down Saturday Night. Et ben, je vais pas vous passer ce morceau, forcément, parce que faut aussi varier. Moi, il y en a un que j'aime bien, que j'ai découvert au tout début, pareil, en mars 2000, non, c'était l'année dernière, en mars 2023. Il s'appelle Bless the Lady. J'espère que ça vous met bien en forme, parce qu'aujourd'hui, c'est le 13 juillet, et ce soir, il y a balle. Chauffez-vous bien. Bless the lady of the world. Nations of the earth. Oh, I. Us in this world. We need them. Bless the lady of the earth. Bless the lady. Us in this world. Sweet as a flower. Fresh as the Comme quoi, des fois, résumer la carrière d'un artiste à un seul titre, c'est un peu réducteur. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce morceau. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette émission, pour essayer de vous faire découvrir aussi d'autres morceaux, plus ou moins connus, et puis, bien sûr, s'appuie sur des valeurs sûres. D'ailleurs, l'an prochain, c'est les 40 ans de Fadjet, et vous pouvez compter sur votre serviteur pour y être. D'ailleurs, à la rentrée, il y aura une nouvelle rubrique dans notre émission qui s'appellera « Il était un funk 1985 ». On reverra ensemble ce qui ont fait les hits funk et quelquefois disco de l'année 1985, mais je ne vais pas en dire plus, donc je ne voudrais pas vous stopper dans votre élan, donc là on va continuer avec Mike Fadden et Whitehead, et No Stopping Us Now, c'est maintenant. Us down, but now it looks like things are finally coming around. I know we've got a long, long way to go, and where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're putting our show together, we're polishing up our act. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Trying to make it, they only push you aside. They really don't have nowhere to go. Ask them where they're going, they don't know. But we won't let nothing hold us back. We're gonna put our show together, gonna polish up our act well. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. You let nothing, nothing stand in your way. I want y'all to listen, listen to every word I say, every word I say. Ain't no stopping us now. No, no, no. We're moving. We're moving. Bon, promis, le prochain morceau sera un peu plus contemporain, enfin, quoi qu'il ait déjà 10 ans. Bon, c'est vrai que je diffuse sous beaucoup de morceaux années 70-80. Bah écoutez, c'est ce qui m'a bercé, c'est ce qu'on passait au dernier sou, et puis voilà. Bon, là, c'est Randy Jones. Ceux qui connaissent les Village People savent que c'est le cowboy. Il a sorti un album en 2016. Il est paru chez nous dans une pépite. Le titre s'appelle Hard Time. Les temps sont durs, mais t'inquiète pas, Coralie, ça va s'arranger. When was the last time you really went out and danced, y'all? The disco's open. And it is Saturday night. We'll ça bouge pas mal quand même, hein. Bon, pour ce dernier morceau d'aujourd'hui, avant que vous laissiez aller voir le feu d'artifice, vous rendre au bal, faire un barbecue chez les voisins, boire un coup, ce que vous voulez, je vais vous proposer Gabban. C'est un groupe que j'ai passé, que j'ai découvert en préparant ces émissions, je connaissais pas du tout avant. Et il y a un morceau que j'aime bien, il s'appelle Outstanding, très feutré, très funk, moi j'adore. Je vous le passe et puis on se dit au revoir. So long. On va se quitter sur ces bonnes paroles. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Profitez bien et see you next week.